الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc comme prévu, ce soir, nous continuons la traduction de cette conférence de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah ta'ala, qui s'intitule « L'obligation de suivre la sunnah ». Et donc le Cheikh, après nous avoir rappelé l'obligation, après nous avoir rappelé que la communauté s'est divisée et nous avoir dit qu'il est une obligation pour les musulmans de sortir de ce tourbillon de divergence. Il nous a rappelé donc l'obligation de nous accrocher au livre d'Allah et à la sunna du prophète et à la voie des pieux prédécesseurs. Puis ensuite, il dit « Faya ikhwata, yajibu an nantahi, chers frères, il est une obligation que nous nous arrêtions là. Et il est une obligation que nous mettions une limite au suivi de ces duperies et de ces tromperies. Ça, c'est parce que, juste avant cela, il a parlé de ceux qui interprètent à leur façon le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que sa communauté allait se diviser en 73 groupes et que tous iront en enfer sauf un seul, ceux qui sont sur la voie du prophète et des compagnons. Donc certaines personnes, parmi les gens de l'innovation et les gens des ambiguïtés, ils interprètent ce hadith à leur manière, ou alors carrément, ils le rejettent en disant que c'est un hadith faible, alors que c'est un hadith authentique. Donc Cheikh, il dit qu'il est une obligation que nous mettions une limite à cela, au suivi de ce genre de duperie et de tromperie. « Wa an naqula lil muhsin ahsant, wa lil musi'i asa't » Et nous devons dire à celui qui a bien agi, tu as bien agi. Et à celui qui a mal agi, tu as mal agi. Wa naqulu lil muhiq, anta muhiq, li'anna kitab Allah ma'ak, wa sunnata rasulillah, wa manhaj as-salaf as-salih, fa anta muhiq. Et nous devons dire à celui qui est dans le vrai, tu es dans le vrai, parce que le livre d'Allah est avec toi, ainsi que la sunna du prophète et la voix des pieux prédécesseurs. Donc c'est pour cela que tu es dans le vrai. Wa naqulu lil mubtil, anta mubtilun, wa anta ala batil, wa anta taqudul ummata ila al-halaki wa al-damar. Et nous devons dire à celui qui est dans le faux, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Et tu diriges la communauté vers la perdition et l'anéantissement. Et ici, je rajoute, regardez bien ce que Cheikh a dit lorsqu'il a dit que nous devons dire à celui qui est dans le vrai, tu es dans le vrai. Pourquoi? Parce que le livre d'Allah La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix des plus prédécesseurs est avec toi. Il dit confirme ce sur quoi tu es. Donc, la connaissance de celui qui est dans le vrai, de celui qui est dans le faux, ça ne revient pas à nos passions et à nos sentiments et à nos sensations et à nos idées, nos pensées. Mais ça revient au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix des salafs, la voix des pieux prédécesseurs. Celui qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète et à la voix des salafs, c'est celui-là qui est dans le vrai. Et celui qui contredit le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la voix des salafs, la voix des pieux prédécesseurs, eh bien celui-là, il est dans le faux et il est dans l'erreur. Et donc il doit revenir à la vérité. Il doit revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voix des pieux prédécesseurs. Ensuite, Cheikh il dit: فإلى متى ننقاد لأمثال هؤلاء؟ Jusqu'à quand nous allons nous soumettre et suivre ce genre de personnes? Yani, Cheikh il parle ce genre de personnes qui quoi? Qui amène les gens à l'égarement. يا أيها المسلمون وكتاب الله بين أيديكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم وتفاسير السلف بين أيديكم وعقائد السلف بين أيديكم. Ô vous les musulmans, le livre d'Allah est entre vos mains, de même que la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et également les explications des salafs, des pieux prédécesseurs, sont entre vos mains, les explications du Coran. Les explications que les pieux prédécesseurs ont fait du Coran sont entre vos mains. Et les croyances des pieux prédécesseurs sont entre vos mains. As-salafu s-salih, alladhina qala Allahu fi sha'nihim, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Les pieux prédécesseurs dont Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque fait scission d'avec le messager après que l'épreuve, après que la guidée lui soit clairement exposée et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous le détournerons comme il s'est détourné et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Ajal, wallahi, alladhi yanharifu fi aqaidihi wa fi manahiji hayatihi an kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa innahu mushaqqun lirrasul alayhi salatu wassalam wa innahu muttabi'un lighayri sabilil mu'minin. Donc, Cheikh, il dit, bien sûr, par Allah, celui qui dévie dans sa croyance ou dans sa vie, celui qui dans sa croyance ou dans sa vie va dévier du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a certes fait scission d'avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a suivi un chemin autre que celui des croyants. Wa sabilul mu'minin. من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن أئمة الهدى رضوان الله على الجميع هو المقياس للحق. Et le chemin des croyants, en commençant par les compagnons et ceux qui les ont suivis convenablement, et en passant par les grands imams de la guidée, qu'Allah les agrée tous, et bien ce chemin-là, c'est celui-là qui sert à mesurer la vérité, à distinguer la vérité. وَسَبِيلُهُمْ مِقْيَاسٌ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Leur chemin, le chemin des compagnons et de ceux qui les ont suivis convenablement, et des imams de la guidée qui les ont suivis, Ce chemin, il est la mesure qui permet de distinguer le vrai du faux. Wallahi, ma kana sabiluhum, ma kana minhajuhum, illa kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, leur chemin et leur voie n'étaient rien d'autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faya ikhwata, كفانا أن تنطلي علينا الخدع وألاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين. Donc, chers frères, il nous suffit, ça suffit que nous laissions tromper par les ruses. Par les ruses et les manigances des trompeurs, et que nous nous laissions tromper par les duperies des dupeurs. Kitabullahi bayna aydina wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna aydina. Le livre d'Allah est entre nos mains et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est entre nos mains. Wa bayanuha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wadihun. Et l'explication du Coran et de la Sunna venant de la part du prophète, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est clair. L'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée du Coran et de la Sunna est claire. Wa aqaidu salaf wadhiha wa manhajuhum, et les croyances des salaf, des pieux prédécesseurs, ainsi que leur voie, tout cela est clair. Wa qad hayya Allahu laha fa tubi'at wa nushirat, et Allah subhanahu wa ta'ala avait prédisposé et destiné des hommes pour se charger de cela. Et donc, elles ont été, ni la croyance des salafs et leur voix, elles ont été éditées et propagées. فَمِثْلُ هَذِهِ الْكُتُبْ عِنْدَكُمْ الْبُخَارِي وَمُسْلِمْ وَغَيْرُهُمَا min kutub as-sunnah. Ces livres sont entre vos mains. Al-Bukhari, le recueil authentique de Bukhari, le recueil authentique de Muslim, et d'autres parmi les livres de la sunna. Wa indakum tafsir ibn Jarir, wa indakum tafsir ibn Kathir. Et vous avez l'explication du Coran, l'exégèse de Ibn Jarir al-Tabari. Et également vous avez l'exégèse de Ibn Kathir. وعندكم السنة لعبد الله ابن أحمد وعندكم السنة لأحمد وعندكم التوحيد ابن خزيمة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والشريعة للآجري. Et vous avez également le livre La Sunna de Abdullah, fils de l'imam Ahmed, et le livre également, la Sunna de l'imam Ahmed, et vous avez également le livre, le Tawhid de Ibn Khuzayma, et le livre, explication des bases de la croyance des gens de la Sunna et du groupe de l'Allakai, et également الإبانة الكبرى والصغرى. Également, l'éclaircissement. Yani, le grand et le petit, ce sont deux livres de Ibn Battah. Yani, éclaircissement de la croyance des gens de la Sunna. Et le livre, الشريعة de la Jurri. Le livre, la Sharia de la Jurri. هذه هي التي تمثل سبيل المؤمنين تمثيلا واضحا لا غبار عليه. Ces livres que nous venons de citer, ce sont eux qui représentent et expliquent clairement la voie des croyants. Ils l'expliquent clairement et ils la représentent clairement, sans qu'il n'y ait de choses confuses dedans. Et Yani, je vous annonce, bi'idhnillahi ta'ala, que, inshallah ta'ala, d'ici un mois, nous allons commencer la lecture dans le livre Al-Ibanatu Al-Kubra de Ibn Battah, rahimahullah. Nous allons commencer l'explication de l'éclaircissement, le grand, celui qui est donc la version longue et non pas la version résumée, et le titre exact de ce livre est Al-Ibanatu an shari'ati al-firqati an-najiya wa mujanabati al-firqi al-madhmuma. C'est-à-dire, le titre de ce livre, le titre exact, c'est l'éclaircissement de la croyance de la secte du groupe sauvé, l'éclaircissement de la croyance du groupe sauvé et l'éloignement des sectes blâmables. Et ce livre, il a été écrit par l'imam Ibn Battah, rahimahullahu ta'ala, qui fait partie du 4e siècle de l'Hégire. Il est mort en 387 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a un peu moins de 1100 ans. Et cet imam, dans ce livre, il rapporte la croyance des gens de la Sunna avec les chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'aux compagnons et jusqu'aux tabi'in et aux tabir tabi'in. Et comme je disais la dernière fois, ceci afin que nous sachions clairement qui fait vraiment partie des gens de la Sunna et du groupe sauvé et qui fait partie des sectes et des groupes innovés et des gens d'innovation. Donc, bi'ivnillahi ta'ala, d'ici un mois, nous lirons dans ce livre afin que les choses soient éclaircies et que celui qui veut connaître la croyance du groupe sauvé dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges, celui qui veut réellement connaître la croyance du groupe sauvé, il pourra donc savoir quelle était leur croyance afin de les suivre, leur croyance et leur méthodologie, la voie qu'ils suivaient, la voie sur laquelle ils étaient. Tout cela sera expliqué bi'idhnillahi ta'ala dans ce livre, qui est une référence parmi les livres de la croyance authentique, Al-Ibanatul Kubra. Il est appelé le grand éclaircissement. Tayyib. Ensuite, Cheikh, il dit فعلينا أن ندرس هذه الكتب حتى نعرف سبيل المؤمنين. Donc, نعم. حتى نعرف سبيل المؤمنين ويستبين لنا سبيل المجرمين من هذه الكتب. Donc, Cheikh, il nous dit, nous devons étudier ces livres, tous les livres qu'il a cités. Nous devons étudier ces livres afin de connaître la voie des croyants et que nous apparaisse clairement la voie des criminels à travers ces livres. يستبين لنا سبيل المؤمنين ويفضح سبيل المجرمين وما أكثر الطرق التي يمكن أن تدان بأنها على سبيل المجرمين. Donc, par ces livres, il nous apparaîtra clairement le chemin des croyants et sera démasqué et dévoilé le chemin des criminels. Et combien aujourd'hui y a-t-il de voix que nous pouvons juger comme faisant partie des voix qui sont sur le chemin des criminels. Inna Allah tabaraka wa ta'ala kama dhakartu anifan lam yaj'al lana ayy ikhtiyar idha jaa amru Allah aw jaa amru Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai cité auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé le choix après que nous parvienne l'ordre d'Allah et l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La yasa'una illa l'ittiba'. Nous n'avons pas d'autre choix que de suivre. Wa la yasa'una illa l'ihtikamu fi qadaya l'ihtilaf ila Allahi wa rasul wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons pas d'autre choix que de rapporter nos sujets de divergence à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa lan nakuna mu'minina abadan haqq al-iman illa idha hakamna qadaya al-khilaf ila Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne serons pas véritablement croyants jusqu'à ce que nous rapportions nos divergences à Allah et à son messager. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Allah nous dit dans la traduction rapprochée du sens Allah nous dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs disputes, puis qu'ils ne trouvent aucune rancœur, c'est-à-dire aucune gêne en eux-mêmes pour ta décision, et qu'ils se soumettent entièrement à ta sentence. Puis ensuite, Shir, ça je ne vais pas le traduire car c'est dans la langue arabe, il rapporte comment dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené plusieurs choses qui appuient cette parole et qui confirment. Puis ensuite il dit « وَالْقَسَمُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ » على عدم إيمان من لا يحكم رسول الله حتى يحكم رسول الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il jure par son immensité et par sa majesté que celui qui ne prend pas pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant, il n'a pas la foi jusqu'à ce qu'il prennent pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa la yakfi hadha at-tahkim abadan hatta tanshariha as-sudur bi hukm rasulillah alayhi as-salatu was-salam wa tarda bihi. Puis le fait de prendre pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas jusqu'à ce que les cœurs soient apaisés au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils l'acceptent et qu'ils en soient satisfaits. Wa hadha la yakfi hatta nusallima tasliman kamilan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci ne suffit pas également, même le fait de le prendre pour juge et le fait d'accepter son jugement et sa sentence et d'avoir le cœur apaisé à sa sentence, cela ne suffit pas jusqu'à ce que nous nous soumettions à sa sentence et que nous l'appliquions totalement. Et donc là, Vous voyez l'importance, ceci est ma parole, et ici donc, vous voyez l'importance de revenir dans toutes nos divergences à Allah et à son prophète, au Coran et à la Sunna, au Coran et à la Sunna. C'est ainsi que quoi? Que sont les croyants? Ils renvoient leur divergence à Allah et à son messager. Quelle que soit cette divergence, ils regardent ce qu'Allah a dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Puis ils agissent en fonction de cela. Ils ne prennent pas pour juge leurs sentiments. Ils ne réagissent pas selon leurs sentiments, mais ils réagissent selon la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi sont les vrais croyants. Et celui qui n'est pas ainsi, il a un problème dans sa foi et dans sa croyance. Puis ensuite, Cheikh, il dit, تأكيدات عظيمة على نفي إيمان من لا يحكم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Il y a donc dans ce verset plusieurs confirmations immenses et importantes sur le fait que celui qui ne prend pas pour juge le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas la foi. N'a pas véritablement la foi. فهل حكم كثير من أهل الأهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce que beaucoup parmi les gens d'innovation, est-ce qu'ils ont pris pour juge le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils ont contredit le livre d'Allah et la sunna du prophète? كلا. Non, pas du tout. Ils n'ont pas pris pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont contredit le livre, le Coran et la Sunna. Wallahi, law hakamu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, lantahat hadhihi al-khilafat. Par Allah, s'ils auraient pris pour juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces divergences se seraient stoppées, se seraient arrêtées. Il n'y aurait plus de divergences. وَلَقَدْ أَحَالَنَا اللَّهُ عَلَى مَلِي. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, nous a renvoyé vers celui qu'il faut. وَإِنَّ فِيهِ فَصْلًا كَامِلًا لِلْخِلَافَاتِ. Et en cela, dans le fait de renvoyer nos divergences au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cela, il y a la coupure totale des divergences. Wa hukman hasiman fi qada'i al-khilaf. Et il y a également dans cela un jugement radical et définitif dans toutes les questions de divergence. Et ceci confirme ce que je disais précédemment. Ça, c'est ma parole. Ceci confirme ce que je disais précédemment, que la divergence de la communauté, elle n'est pas due. La divergence de la communauté n'est pas due aux salafis. Elle n'est pas due aux gens de la sunna et du groupe sauvé. Mais la divergence de la communauté est due à ceux qui apportent des choses nouvelles dans la religion et qui appellent à cela. Et qui donc, par leur prêche à l'innovation et aux choses et aux nouveautés dans la religion, ils font sortir une partie des musulmans du groupe mère, du groupe originel, le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Lorsqu'ils prêchent les gens à l'innovation, ils les font sortir du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du chemin des compagnons. Et donc c'est cela qui divise les musulmans. Car tous nous devons revenir à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque ne peut pas faire partie de la religion aujourd'hui. Donc nous les salafis, lorsque nous voyons une chose nouvelle apparaître et être attribuée à l'islam et être attribuée à la sunna, alors qu'elle n'existait pas au temps du prophète et des compagnons, radiyallahu anhum, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en garde contre cette innovation. Et s'il le faut, mettre en garde contre ceux qui appellent à cette innovation. Cela afin de préserver l'unité de la communauté sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Ce n'est pas un jeu. Wallahi, nous ne nous amusons pas lorsque nous mettons en garde contre certaines personnes. Ce n'est pas pour jouer que nous faisons cela. Mais c'est parce que le fait de se taire sur ceux qui appellent à l'innovation, qui appellent à des choses nouvelles dans la religion, ceci fait sortir des musulmans du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par là, ceci divise la communauté. Et également dans cela, il y a le fait, ceci rentre dans le fait d'attribuer à l'islam ce qui n'en fait pas partie. Donc avons-nous le droit de nous taire sur les innovations et sur les gens qui appellent aux innovations? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les innovations et contre les gens d'innovation. Et il nous a dit de prendre garde à eux, de nous méfier d'eux. Et de nous éloigner d'eux. Taïb. Ensuite, Cheikh, il dit, Billahi alaykum, na'ti ila qadiyataini, rakkaza alayhim al-Qur'an wa sunnah. Par Allah, nous allons citer deux questions sur lesquelles le Coran et la sunna ont beaucoup insisté. Ja'at fihima nususun kathira. Il y a beaucoup de textes religieux qui en parle. نرى منهج السلف في جانب ونرى أهل الأهواء في جانب آخر. Nous voyons les gens, nous voyons la voie des salaf, la voie des pieux prédécesseurs d'un côté et nous voyons les gens de l'innovation d'un autre côté. قد يشترك عشرات الفرق في بدعة من البدع وفي ضلالة من الضلالات. Il se peut que des dizaines de sectes s'associe dans une seule innovation, dans une seule et même innovation, et dans un seul et même égarement. Et des générations et des générations vont grandir dans ces égarements. Et même des écoles sont édifiés pour ces égarements et ces innovations. Et vous voyez ces gens-là accrochés et fermes sur le chemin qu'ils suivent dans l'égarement et dans la contradiction claire à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la Sunna. L'Ibn al-Wazir, la Cheikh, il va commencer donc à citer ces deux questions dont il a parlé, dont le Coran et la Sunna ont beaucoup insisté, sur lesquelles le Coran et la Sunna ont beaucoup insisté. لابن الوزير اليماني في كتابه إيثار الحق على الخلق كلام جيد يكتب بماء الذهب، أرجو أن يفهمه كل شاب وأن يحفظه. ابن الوزير اليماني لو يمينيت ابن الوزير لو يمينيت dans son livre intitulé Préférer la vérité ou faire prévaloir la vérité, faire prévaloir la vérité sur les créatures, dans ce livre, donc de Ibn al-Wazir, le yéménite, il y a une parole, il y a une très bonne parole qui devrait être écrite en, avec des lettres d'or. Cheikh, il dit, j'espère que tout jeune va comprendre cette parole et va la mémoriser. قال وهو يناقش المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي الحق وعن القرآن والسنة. Il dit donc, alors qu'il est en train donc de débattre avec les Mu'tazilites, qui est une secte ancienne qui contredit donc la voie des salafs. Donc dans Ibn al-Wazir, il dit, alors qu'il est en train donc de débattre avec les Mu'tazilites et les Ash'arites et d'autres parmi les sectes qui ont dévié du droit chemin de l'islam et du Coran et de la Sunna, il dit Ibn al-Wazir, إني لأتعجب ممن ينتمي إلى أهل السنة أن ينكر صفة الرحمة صفة رحمة الله عز وجل يؤولها بالإحسان ويفر من الرحمة لأن الرحمة رقة وضعف في نظره. Donc Ibn al-Wazir, il dit, certes je m'étonne de personnes, de gens qui s'affilient aux gens de la Sunna et qui réfutent, qui nient l'attribut de la miséricorde à Allah. Et il l'interprète en disant que ce qui est voulu par la miséricorde, c'est quoi? C'est la bienfaisance. Tout cela pourquoi? Pour fuir le terme miséricorde. Pour fuir l'attribut de la miséricorde qu'Allah s'est attribué, car pour lui, la miséricorde, c'est quoi? C'est de la légèreté et de la faiblesse. Pour lui, la miséricorde, c'est de la légèreté et de la faiblesse, donc il voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas, on ne peut pas qualifier Allah subhanahu wa ta'ala d'être de légèreté ou de faiblesse, donc c'est pour cela qu'il ne veut pas attribuer la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'interprète en disant que non, ce qui est voulu par la miséricorde, c'est quoi? C'est la bienfaisance. Et ça, ce sont des gens qui s'affilient à la sunna. Notamment les Ash'a'ira, les Ash'arites. Ils se disent être les gens de la sunna et du groupe. Et comme je disais dans le cours dernier, lorsque Rachid Abu Hudhayfa a fait l'explication du hadith des 73 groupes et qu'il a dit que donc le groupe sauvé c'est Al-Jama'a, le groupe, il a dit donc ce sont les gens, le groupe sauvé c'est Ahl Sunnati Wal-Jama'a. Donc nous lui disons, Tayyib, les Ash'arites ils se disent Ahl Sunnati Wal-Jama'a. Et les Ahbash, les Ahbash, ils se disent Ahl Sunnati wal Jama'a. Et beaucoup de soufis, ils se disent Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, c'est lesquels les vrais Ahl Sunnati wal Jama'a? Faut que tu nous le précises. Et comment on sait que quelqu'un il fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a? Tayyib. Donc, pour revenir à ce que Cheikh il dit, lorsqu'il rapporte cette parole de Ibn al-Wazir al-Yamani. Donc, Ibn al-Wazir, il dit qu'il s'étonne de ces gens qui s'affilient aux gens de la Sunna et qui nient l'attribut de la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. قال أتعجب لهؤلاء هذه الصفة. Donc Ibn al-Wazir il dit je m'étonne de ces gens-là. هذه الصفة التي ورد ذكرها في القرآن في أكثر من 500 موضع مؤكدة ومكررة. Cet attribut, l'attribut de la miséricorde, qui est venu dans le Coran dans plus de 500 endroits, en étant répété et confirmé. Puis ensuite, Cheikh Rabi', ensuite, Cheikh Rabi', là, il va entrer dans une explication pareille, linguistique, en arabe, qui est un petit peu compliquée, donc. Et je passe la traduction de cela. Puis ensuite, Cheikh, il dit: Tayyib, إذا قال الله تبارك وتعالى في صدر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هذا يكفي لإثبات أن لله هذه الصفة العظيمة صفة الرحمة وتتبدد الدعوة المجاز واحتمالات المجاز. Très bien. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, au tout début du Coran, il nous dit quoi? Il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci, ce verset, il suffit pourquoi? Pour affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté de l'attribut de quoi? De la miséricorde. Et ça suffit pourquoi? Pour annuler la prétention de ceux qui ont dit que pour annuler la prétention du majaz. La prétention du majaz. Le majaz en arabe. Et c'est quelque chose qui a été inventé par les Mu'tazila, la secte des Mu'tazilites. Donc, le majaz, c'est ce qui équivaut en français à la métaphore. La métaphore et la métonymie. D'accord? Donc, c'est que tu utilises un terme, mais en fait, tu vises autre chose que le sens apparent. Tu utilises un terme, mais toi, ce que tu veux faire comprendre, c'est un sens autre que le sens apparent de ce terme. D'accord? C'est la métaphore ou la métonymie. Donc, les gens d'innovation, là je vous explique un petit peu, les gens d'innovation parmi les Mu'tazila, les Jahmiya, les Ash'arit, et d'autres parmi les gens d'innovation, pour réfuter et pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit que quoi? Que dans la langue arabe, il y a des métaphores et de la métaphore et de la métonymie. Et dans le Coran, il y a de la métaphore et de la métonymie. Des termes qui sont utilisés. Mais en vérité, ce qui est voulu par eux, c'est un sens autre que le sens apparent. Et ils se sont servis de cela, pourquoi? Pour nier les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en fait, même ceux qui ont dit, comme ils prétendent, que quoi qu'il y avait donc de la métaphore et de la métonymie dans la langue arabe, ils disent que quoi que le fait qu'une chose soit confirmée et répétée, ça annule et ça enlève Quoi? Yani le... Ça enlève la possibilité de quoi que la personne a voulu par là? Une métaphore. Lorsque tu répètes la parole et que tu la confirmes, non, ça veut dire que tu vises vraiment le terme, le sens apparent. Donc là, dans le premier verset du Coran, Allah il dit Bismillahir Rahman Ar-Rahim. Donc il a répété l'attribut de Rahma. Et donc c'est pour ça que Cheikh il dit que ceci suffit pour confirmer à Allah la qualité et l'attribut de la miséricorde, et ça suffit pour annuler la prétention des gens d'innovation comme quoi que c'est une métaphore ou une métonymie. Wa idha qal, ensuite Cheikh il dit, idha qal alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ta'kidun wa takrar. Donc ensuite, Cheikh il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit louange à Allah, Seigneur des mondes, nam, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Encore une fois, c'est une confirmation et une répétition. Donc ça annule encore plus la possibilité que quoi, que ce qui a été voulu par là. C'est quoi? C'est une métaphore et une métonymie. Wa idha saddara kullu suratin min as-suwar bi bismillahir rahmanir rahim illa surat bara'ah wa idha khatama kathiran min al-ayat bi sifati ar-rahmati war-ra'fati hal yabqa hunaka majalun lit-ta'wil aw lil-majaz aw li shay'in min hadha. Puis lorsque quoi? Qu'au début de chaque sourate, Allah subhanahu il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sauf la sourate du désaveu. La sourate numéro 9. Qui est appelée également sourate Tawba, le repentir. C'est la seule sourate qui n'a pas été commencée par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et lorsqu'également Allah subhanahu wa ta'ala, il finit beaucoup de versets par l'attribut de la miséricorde et de la bonté. Est-ce qu'il reste encore après cela, un doute et une possibilité que quoi, que ce qui a été voulu par là, qu'il y ait une interprétation et qu'il y ait par là une métaphore ou une métonymie ou quelque chose d'autre comme cela? Il pose cette question. Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes les sourates pratiquement, sauf la sourate 9, il a commencé par Bismillahirrahmanirrahim. Et dans beaucoup de versets, il termine par l'attribut de la miséricorde. Donc est-ce qu'après ça, on a encore un doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et qu'il a comme attribut la miséricorde? Amma alladhi, Cheikh il dit, Amma alladhi yahtakimu ila Allah wa ila rasulihi فيكفيه نص واحد من هذه النصوص لإثبات هذه الصفة صفة الرحمة التي وسعت كل شيء. Celui qui quoi? Qui revient à Allah et à son messager. Celui qui prend pour juge Allah et son messager, il lui suffit pour cela un seul texte. Parmi tous les textes que nous avons cités, il lui suffit par là un seul texte. Pourquoi? Pour affirmer l'attribut de la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah qui a englobé toute chose. Est-ce que la miséricorde de l'homme a englobé toute chose? La miséricorde de l'homme, elle ne lui suffit même pas à englober lui-même. ورحمة الله وسعت السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس. Quant à la miséricorde d'Allah, elle a englobé les cieux, la terre, les anges, les djinns, les hommes, etc. فهل هناك نظير لهذه الرحمة حتى نضطر إلى تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها؟ Donc, est-ce que cette miséricorde, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, Est-ce qu'elle a un équivalent pour que nous soyons obligés de quoi? De l'interpréter ou de la modifier ou de la nier? Qu'Allah ou Allah, non par Allah. فالمؤمن الصادق الذي يؤمن بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أن لله رحمة وسعت كل شيء. Donc, le croyant véridique, celui qui croit au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comme croyance et comme conviction qu'Allah est doté de l'attribut de la miséricorde et que sa miséricorde a englobé toutes choses. Wa anna kulla ma tarahu min al-khayri fi as-samawati wal-ard wa fi ad-dunya wal-akhirah min athari rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Et tout ce que tu vois comme bien dans les cieux et sur la terre, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, tout cela fait partie des conséquences de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma tajiduhu min ar-rahmati fi qulubi an-nas wal hayawanat wal mala'ikati wa ghayriha juz'un wahidun min mi'ati juz'in min mi'ati juz'in min athari rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Et tout ce que tu trouves comme miséricorde dans les cœurs des gens, des animaux, des anges et autres, ce n'est qu'une seule partie parmi 100 parties de quoi? Des conséquences de la miséricorde d'Allah, honoré et exalté soit-il. فهل يلتبس في مثل هذه الصفة صفة المخلوق بصفة الخالق؟ Donc est-ce qu'il y a dans cet attribut qui est l'attribut donc de la miséricorde, est-ce qu'il y a là-dedans une confusion entre la caractéristique de la créature et la caractéristique du créateur? أو يتصور عاقل أن هناك مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق حتى يضطر إلى التأويل. Ou bien, est-ce que quelqu'un de raisonnable, il peut s'imaginer qu'il y a une ressemblance entre l'attribut du Créateur et l'attribut des créatures, au point qu'il est obligé de quoi? D'interpréter cet attribut. أما الذي يؤمن بصفة الله تبارك وتعالى على هذا الوجه فإنه والله لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تحريف. Quant à celui donc qui croit aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce qui a été énoncé, eh bien cette personne-là, il n'a pas besoin d'interpréter ou de modifier. بل يضطر بسبب هذا التكرار الكثير لهذه الصفة العظيمة إلى التصديق والإيمان الجازم بأنها مما مدح الله به نفسه ويحب أن يمدحه بها عباده. Au contraire, celui qui croit donc aux attributs d'Allah, il se trouve obligé, vu cette répétition multipliée de cet attribut, eh bien, celui qui croit, il est obligé, yani, de croire à cet attribut et d'avoir dans cet attribut une conviction inébranlable que cet attribut, l'attribut de la miséricorde, il fait partie des attributs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est loué et a fait ses propres éloges et fait partie des attributs par lesquels il aime que ses serviteurs lui fassent l'éloge. فما وصف الله نفسه بأدنى أدنى شيء من النقص ولو مرة واحدة fadlan an takrariha. Certes, Allah ne s'est jamais qualifié. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est jamais qualifié du plus petit défaut qui puisse exister, ne serait-ce une seule fois. Alors que dire de le répéter? Si l'attribut de la miséricorde, ce que Cheikh il veut dire par là, naam, ici je rajoute, ce que Cheikh il veut dire par là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, si la miséricorde, ce serait un défaut pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas cité ne serait-ce une seule fois. Alors que dire du fait que quoi qu'il l'a multiplié plus de 500 fois. Et ça, c'est juste dans le Coran. Ensuite, Cheikh, il dit « وَأَدْرِبُ لَكُمْ مِثَالًا » Je vous donne un exemple. « نَسَبَ الْيَهُودُ إِلَى اللَّهِ الْوَلَدِ وَقَالُوا عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ » Les Juifs, ils ont attribué un enfant à Allah. Ils ont dit « Uzair est le fils d'Allah ». النصارى نسبوا إلى الله الولد وقالوا عيسى ابن الله. Et les chrétiens, ils ont attribué à Allah également un enfant. Ils ont dit عيسى, Jésus est le fils d'Allah. ونسب العرب الملائكة إلى الله وقالوا إنهم بنات الله. Et les Arabes polythéistes de l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont attribué les anges à Allah. Et ils ont dit que ce sont les filles d'Allah. Ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Mada qala Allahu tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Laqad ji'tum shay'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Ça c'est dans la sourate Maryam. Naam. Dans la sourate Maryam. À la fin de la sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a rien ce qui concerne donc cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteur. الشاهد أن هذه الصفة فيها نقص قال الله فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Donc, en gros, ce qui, là où je veux en venir, il dit, c'est que cet attribut, le fait d'attribuer un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a dedans un défaut, une faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, نعم. Dans la sourate قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, Allah il nous dit, c'est lui Allah, l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. وَكَمْ نَحَ بِاللَّائِمَةِ عَلَى مَنْ يَنْسِبُونَ لِلَّهِ الْوَلَدِ. Et combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé ceux qui lui ont attribué un enfant. Faqal waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Ça c'est dans la sourate l'ornement Az-Zukhruf numéro 43. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est certes vraiment un ingrat déclaré. Un ingrat déclaré. Juz'an, une partie de lui-même. Qalu Isa ibn Allah, ils ont dit Isa est le fils d'Allah. Wa qalu Uzair ibn Allah, ils ont dit Uzair est le fils d'Allah. Wa qalu al-mala'ikatu banatullah, ils ont dit également les anges sont les filles d'Allah. Innal insana lakafurun mubin. Allah il a dit certes l'homme est un ingrat déclaré. Ankara Allah hadha ashadd al-inkar. Allah subhanahu wa ta'ala il a réfuté cela avec force. Limadha? Pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans un rabaissement d'Allah. بصفة فيها النقص ويكرره مئات المرات. Donc si Allah, non, si Allah, il réprimande cela, il blâme cela, yani le fait de lui attribuer un enfant de cette manière effrayante, alors que le fait d'attribuer un enfant à autre qu'Allah, yani c'est quelque chose de bien. Le fait de dire qu'une personne a des enfants, c'est un bien pour lui. C'est une éloge pour lui qu'il a de dire de lui qu'il a des enfants. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un défaut. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté durement. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il a réfuté cette chose-là durement, bien que pour les créatures, c'est quelque chose de bien, alors comment Allah subhanahu wa ta'ala il va faire son éloge avec une qualité ou avec un attribut qui est un défaut, et il va le répéter tout au long du Coran plus des centaines de fois. Kalla wallah, non. Par Allah. هذا مثال واحد مما حاد أهل الأهواء عن الاحتكام إلى الله فيه. Ceci est un premier exemple de choses dans lesquelles les gens de l'innovation se sont détournés de quoi? De revenir à Allah subhanahu wa ta'ala dans le jugement. ويضللون السلف وفيهم الصحابة وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Et ils traitent d'égarer les prédécesseurs, parmi lesquels il y a les compagnons et le prophète صلى الله عليه وسلم. ويقولون للذي يؤمن بهذه الصفة مجسم مشبه مع الأسف الشديد. Et ils disent donc de celui qui croit à cet attribut, l'attribut de la miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est attribué à l'attribut de la miséricorde, ils disent de lui, celui qui croit à cela, ils disent de lui que c'est quelqu'un qui fait ressembler Allah à ses créatures, c'est quelqu'un qui donne un corps à Allah subhanahu wa ta'ala comme les corps des êtres humains. Malheureusement, ces gens d'innovation, ils disent que celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut de la miséricorde, cette personne-là, il a fait ressembler Allah à ses créatures. et il a donné une forme humaine à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement. وَقَدْ يُكَفِّرُونَ مَنْ يُثْبِتُ لِلَّهِ هَذِهِ الصِّفَةِ. Et certains d'entre eux même, ils arrivent même au point de quoi? De traiter de mécréant celui qui confirme à Allah subhanahu wa ta'ala ou qui affirme à Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut, l'attribut de la miséricorde. Je pense que nous allons nous arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Et bi-idhnillah, nous ferons le prochain cours. Peut-être, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, mercredi soir, inshallah ta'ala, à la même heure, à 19h15. Et donc nous reprendrons au deuxième exemple, hein, à la deuxième chose dans lesquelles le Coran, la deuxième chose sur lesquelles le Coran et la Sunna ont insisté, et que nous voyons beaucoup de gens d'innovation qui contredisent dans cela la voie des pieux prédécesseurs. Et ce deuxième exemple, c'est quoi? C'est l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. Donc c'est ici que nous reprendrons le cours de le prochain cours mercredi soir à 19h15 bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.